Creuse la terre, creuse le lit, croise le fer, couine la scie, tombe les pommes, fasse la vie, c'est nous les hommes, comme des fourmis. Casse les cimes, forge l'épée, sème les ruines.